بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، حياكم الله mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, le lundi 2 Shawwal, le 2 Shawwal 1441 de l'Hégire, correspondant au 25 mai 2020, nous nous retrouvons par la grâce d'Allah Azza wa Jal pour poursuivre ensemble notre lecture dans le livre de l'imam Ibn Kathir rahimahullah, qui sont dans le titre est Al-Fusul fi Sirati Ar-Rasul. Dans le cours précédent, nous avons parlé de Sulh Al-Hudaybiyah qui a eu lieu dans l'année 6 de l'Hégire, très exactement dans le mois Dhul Qa'da. Et on a vu qu'ensuite Nabi alayhi salatu wa salam sallallahu alayhi wa sallam est reparti fil Medina après la fin de ce pacte et de cette trêve qui a été conclu entre les musulmans et Kuffar Quraysh. Après la fin de cette trêve, le Nabi Isa alayhi salam est reparti fil Medina et il est resté le mois de Dhul-Hijjah. Et au début de l'année 7, de l'Hégire, comme Allah Azza wa Jal avait promis au prophète alayhi salatu wa salam, suite à ce pacte, il lui avait promis un riche butin, une victoire, une grande victoire. Et on a vu que les savants ont précisé que c'était la conquête de Khaybar. Donc l'imam Ibn Kathir, au sujet de cette bataille, mais avant de commencer à lire ce que l'imam Ibn Kathir rahimahullah a dit, on va essayer de prendre un aperçu sur cette bataille afin de se faire une idée générale sur la bataille, et ensuite on va rentrer dans les détails de la bataille. Donc comme j'ai dit, dans l'année 7 de l'Hégire, vers la fin du mois Muharram, Nabi alayhi salam, après le pacte de l'Hudaybiyah avec Kuffar Quraysh, et après son retour de l'Hudaybiyah, il est resté à Médine le mois de Dhul-Hijjah et quelques jours du mois de Muharram. Ensuite, il est sorti pour Khaybar. Et il est sorti avec la même divergence qu'on a vu dans le pacte de l'Hudaybiyah. Ça a été rapporté 1300, 1400, 1500. En tout cas, il est sorti uniquement avec les hommes qui ont participé dans l'Hudaybiyah, et pas un homme de plus. Il est rapporté que le seul homme qui n'a pas pu participer, c'est Jabir ibn Abdillah radiyallahu anhu. Et pourtant, le Nabi alayhi salam lui a donné sa part dans le butin de la bataille de Khaybar, ce qui démontre qu'il avait une excuse radiyallahu anhu. Mais sinon, tous ils sont sortis, les 1500 hommes qui ont participé dans le pacte de l'Hudaybiya sont sortis dans cette bataille de Khaybar. Ils avaient avec eux, comme dans l'Hudaybiya, 200 cavaliers. Et donc, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est sorti pour l'Hudaybiya et il est arrivé à Khaybar, il est arrivé à Khaybar de nuit. Il est arrivé avant le lever du l'aube. Et après le lever du soleil, comme à l'habitude, yani des gens de Khaybar, ils sortaient vers leurs champs et pour travailler, car Khaybar c'était une ville extrêmement riche, dans laquelle il y avait beaucoup d'agriculture, et les Juifs, bien évidemment, ils étaient très connus pour cela. Et quand ils ont vu les musulmans avec leur armée, ils se sont criés « Muhammad ou al-Khamis »« Muhammad ou al-Khamis » Al-Khamis, Allahu alam, yani, en tout cas, ce qu'il voulait dire, c'est « Muhammad ou al-Jaysh »« Muhammad ou al-Jaysh » »« Muhammad et son armée » Mais est-ce que le Khamis, c'est une langue spécifique aux Juifs de Khaybar pour désigner l'armée? Allahu alam, j'ai rien à ce sujet-là. En tout cas, la signification, c'est qu'il disait Mohammed et son armée sont arrivés. Et ils ont pris la fuite et ils ont fermé derrière eux leur forteresse et leur bastion. Car Khaybar, c'était une ville extrêmement et très fortement protégée, et dans laquelle il y avait beaucoup de bastions. Yani, pour les différentes tribus juives de Khaybar, et pour les différents clans également des juifs de Khaybar. Parmi les bastions qui étaient très très connus, le bastion de Zad et de Sharab, et le bastion de Na'im, et le bastion de l'Amous, et le bastion de Sa'b, et le bastion de l'Watih, et le bastion de Sulalim. Et Sulalim, celui-là, c'était le plus fort de leurs bastions de manière absolue, qui appartenait à un homme qui s'appelait Marhab. Marhab, un homme juif qui était en plus très connu pour son courage dans les batailles. Et on va voir que cet homme, il a demandé à combattre des musulmans dans des duels. Et celui qui est sorti pour le combattre, c'était Ali, radiallahu anhu. Et il l'a tué. Et ça, c'était le début de la défaite psychologique et morale pour les juifs de Khaybar. Mais sinon, il y a eu d'autres duels qui étaient très connus. Le duel également de Zubair ibn al-Awwam, radiallahu anhu, qui a tué, lui, à son tour, le frère de Marhab, qui avait demandé également un duel. Voilà, de manière globale, ce qui concerne la bataille de Khaybar. Et, son déroulement. Sinon, comme on a vu précédemment, les juifs de Banu Nadir, quand ils étaient bannis de l'Madina, la plupart d'entre eux sont partis vers Khaybar. Et parmi ceux qui sont partis à Khaybar, quelques-uns de leurs dignitaires et des plus notables des juifs, entre autres Salam ibn Abi al-Huqayq et Kinan ibn al-Rabi' et Huyay ibn Akhtab. Huyay ibn Akhtab, le père de Safiya radiallahu anha, la mère des croyants et épouse du prophète alayhi salatu wassalam. Et on a vu que les juifs de Banu Nadir, depuis qu'ils étaient bannis de l'Madina, ils n'ont cessé d'avoir cette haine montante et rancune et rancœur pour les musulmans, et ils n'ont cessé de comploter contre les musulmans. Et à chaque fois qu'ils trouvaient une occasion, ils la saisissaient. Et on a vu que c'était eux qui ont remonté Kuffar Quraysh et d'autres tribus arabes, et qui leur ont promis des fortunes, et ils leur ont promis également de combattre avec eux, et c'était ça la cause de la bataille des tranchées, des coalisés. C'est eux qui étaient la cause du rassemblement de tous ces coalisés. Et également, on a vu que les juifs de Banu Nadir, c'était eux qui ont poussé les juifs de Banu Qurayza à trahir le pacte qu'ils avaient avec les musulmans et à le rompre. Et ça a représenté un grand danger pour les musulmans, la trahison de Bani Qurayza. Et on a vu ce qui s'est passé par la suite. Donc, on a vu également que Nabi alayhi salam a envoyé l'expédition de Abdullah ibn Atik, radiyallahu anhu, dans laquelle ils ont tué un de ceux qui ont comploté le plus et des plus grands ennemis du prophète alayhi salam parmi les juifs, qui s'appelle Salam ibn Abi al-Huqayq. Et Nabi alayhi salam, après cette trêve avec Kuffar Quraysh, dans le cadre de l'Hudaybiyah, c'était une occasion pour sortir de l'Madina et combattre ses ennemis qui ne cessent de comploter contre le musulmin et qui ne cessent de montrer leur haine et leur animosité pour le musulmin. C'était une occasion en or pour le musulmin, parce que là, les musulmans sont en trêve avec Kuffar Quraysh. Ça veut dire ils pourront pas intervenir pour aider leurs alliés. Ça veut dire ça sera une guerre en tête à tête avec les juifs de Khaybar, entre les musulmans et les juifs de Khaybar. Excepté les grandes tribus de Ghatafan, ceux-là ils ont pas de pacte avec les musulmans. Donc ils peuvent intervenir et aider leurs alliés. Et on va voir qu'ils vont essayer de le faire. Mais Allah Azza wa Jal les repoussera. Et Allah Azza wa Jal avait promis, après le pacte de l'Hudaybiyah, ce riche butin qui n'était pas autre chose que les butins de Khaybar, comme Allah Azza wa Jal a dit. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا ومغانم كثيرة يأخذونها وكان الله عزيزا حكيما. Donc Allah عز وجل dit, dans le sens approximatif de ces versets, Allah est satisfait des croyants Allah est satisfait des croyants qui te faisaient allégeance sous l'arbre, ce jujubier, dans le Hudaybiyah. Il a su ce qu'il y avait au fond de leur cœur, a fait descendre sur eux la quiétude et les a récompensés par une victoire imminente. Et cette victoire, c'est la conquête de Khaybar. Et par un riche butin dont ils allaient prendre possession. Allah est tout puissant et sage. Allah vous a promis des riches butins dont vous prendrez possession bientôt. Et vous a accordé rapidement ce butin-ci. Et il a éloigné de vous les mains des ennemis, afin que cela soit un signe croyant et pour que vous soyez guidés vers une voie droite. Donc effectivement, cette promesse d'Allah Azza wa Jal a été très rapidement concrétisée. Et on a vu que c'est un mois après le pacte de l'Hudaybiyah qui s'est déroulé dans le mois de Dhul-Qa'da, donc le mois de Dhul-Hijja, et ensuite le mois de Muharram, donc c'est la nouvelle année, l'année 7, le mois Muharram, c'est le premier mois du calendrier de l'Hijr. Et c'est ça qui est juste, contrairement à l'avis d'Ibn Hazm, qui voit que le premier mois du calendrier de l'Hijr, c'est Rabi' al-Awwal. Parce que lui, pour lui, le calendrier commence avec l'arrivée du prophète alayhi salam al Madina. Et Nabi alayhi salam, on a vu qu'il est arrivé dans le mois Rabi' al-Awwal, un lundi. Mais les savants, tous, ont dit que le mois commence avec Muharram. Et l'imam Ibn Kathir, il parlera de celui qui a mis en place ce calendrier. Il y a une divergence. Est-ce que c'est Omar ibn Khattab ou un autre compagnon qui était au Yémen? Donc Allah Azza wa Jal a accompli sa promesse et effectivement les muslimines sont sortis dans le mois de Muharram, vers la fin de Muharram, de l'année 7 de l'Hijr. Et c'est ça la vie le plus juste, comme l'a dit Al-Hafidh ibn Hajar rahimahullah. Car il y a une divergence sur la date de cette bataille. Est-ce que c'est l'année 6 ou l'année 7? Mais ce qui est juste, comme l'a dit Ibn Hajar rahimahullah et d'autres savants, Ibn Ishaq, l'imam de la Sira, également c'est son avis, c'est qu'elle a eu lieu dans l'année 7. Et ça, c'est l'avis de la plupart des savants. Donc, les musulmans sont sortis pour cette bataille avec une motivation extrêmement forte, tout en sachant que Khaybar, c'est pas une ville comme les autres. Khaybar, c'est une ville dans laquelle il y avait beaucoup de bastions et qui était très très fort, très protégé. Et en plus, les juifs de Khaybar, c'est des juifs très riches. Et ils avaient, yani, des hommes très courageux et très braves et qui étaient connus pour le combat et leur dureté dans le combat. Également, c'était, yani, avec l'argent qu'ils avaient, ils étaient extrêmement bien armés. Ils avaient des armes et tout. Donc, c'est pas une chose facile pour le musulmane. Et on va le voir avec le déroulement de cette bataille. Les musulmans sont sortis dans cette ambiance en glorifiant Allah et tellement, yani, ils le faisaient avec une très forte voix. Ils haussaient la voix beaucoup quand ils glorifiaient Allah, ils faisaient takbir, faisaient tasbih à très haute voix. C'est là où le Nabi alayhi salam leur a dit innakum tad'una sami'an qariba wa huwa ma'akum, comme c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Vous invoquez celui qui entend tout et qui est proche de vous et qui est avec vous partout que vous soyez. Il est avec vous partout que vous soyez avec sa science et avec tous les sens de sa seigneurie. Il vous voit, il vous entend, il sait tout ce que vous faites. C'est comme ça qu'Allah Azza wa Jal est avec nous partout. Mais sinon, avec son essence, il est au-dessus de son trône, subhanahu wa ta'ala, plus haut que toutes ses créatures. Et Nabi alayhi salatu wassalam, parmi les techniques de guerre qu'il a employées dans cette bataille, c'est qu'il a emprunté un chemin différent pour aller à Khaybar, de manière à ce que quand il arrive à Khaybar, que son armée soit entre les tribus de Ratafan et Khaybar. Parce qu'il savait, alayhi salatu wassalam, que Ratafan, ce sont les alliés des juifs de Khaybar. Et dès qu'ils vont savoir que le Nabi alayhi salam est arrivé pour les combattre, ils vont essayer de leur donner des renforts et des aides. Mais le Nabi alayhi salam a mis son armée entre les deux, de manière à ce qu'ils n'arrivent pas à les aider et à leur fournir ce qu'il leur faut. Donc j'ai dit que le Nabi alayhi salam est arrivé avant le lever de l'aube. Et les musulmans, ce jour-là, ils ont pris le Fajr à côté de Khaybar. Et ils les ont attaqués avec le lever du soleil. Et les gens, là-bas, quand ils ont vu l'armée des musulmans, ils se sont retirés dans leur forteresse. et ils ont fermé derrière eux leur bastion. Et le Nabi alayhi sallam, quand il les a vus prendre la fuite, il a dit « Allahu Akbar, kharibat Khaybar, inna idha nazalna bisahati qawmin, fasa'a sabahul mundharin » rapporté dans les deux authentiques. Il a glorifié Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit « Allah est plus grand. Khaybar sera ruiné, abattu. Khaybar sera démoli, détruite. » Et ensuite il a dit « Combien mauvais sera le matin de ceux qui auront été avertis une fois qu'on décide à les combattre. » Et tout ça, c'est des choses que ceux qui ont étudié les stratégies de guerre, ils savent ce que c'est. Et ce que le Nabi fait ici. Ça, c'est des choses qui augmentent l'ambition de l'armée. Et il y en a, l'armée psychologique a un effet majeur sur l'armée, sur le terrain. La guerre, je voulais dire, la guerre psychologique a un effet majeur sur le résultat de la guerre sur le terrain. Et c'est pour ça, dans les batailles, ils faisaient ces duels avant le début de la bataille. Et en général, ceux qui vont gagner les duels, c'est ceux qui vont gagner la bataille. Lana, combattre. Et bien évidemment, les musulmans, ils ont des choses que les kuffars n'ont pas. Les musulmans, ils combattent en espérant la mort. Les kuffars, ils combattent en espérant préserver leur vie. Les musulmans, ils combattent en espérant ce qu'il y a auprès d'Allah. Les kafirs, ils combattent en espérant protéger ce qu'il a dans le dunya. Les musulmans, il combat tout en sachant que si Allah prend son âme et il tombe dans cette bataille, Allah lui accordera le degré du martyr, un des degrés les plus élevés dans l'islam. Il n'y a que le degré des prophètes et des véridiques qui est au-dessus. Un très grand degré dans l'islam. Et le martyr, à la première goutte de son sang, Allah il lui pardonne tous ses péchés, excepté la dette. Excepté la dette. La dette, il faut qu'elle soit remboursée. C'est pour ça, il faut faire très attention et ne pas prendre des mauvaises habitudes et habituer sa personne à ne pas s'endetter. À ne pas s'endetter. Car s'endetter pour un croyant sincère, quand il s'agit de rembourser, c'est difficile. C'est toujours difficile de sortir l'argent. C'est pour ça le mieux, c'est que tu apprennes à vivre avec ce que Allah t'a donné. Et ne pas vivre au-dessus de tes moyens. Et malheureusement, c'est ça qui fait que, après des gens qu'on n'accuse pas dans leur sincérité, ni dans leur foi, mais ils tombent dans des choses graves et qu'Allah nous en préserve. Le shaitan, il a des pas avec le croyant. Et ces pas, surtout leur début, ça peut être des choses autorisées, dans lesquelles il n'y a pas de mal. Emprunter de l'argent, c'est pas un mal. C'est autorisé. Pour celui qui emprunte. Et c'est un grand mérite pour celui qui donne. Mais celui qui est dans le besoin, il demande une dette, yani c'est autorisé. Mais le shaitan, il peut venir et le musulman, il tombe dans un laxisme, il commence à s'endetter jusqu'à s'alourdir et après il n'arrive plus à rembourser et après il n'ose même pas rencontrer les gens tellement Hada il lui doit et qu'Allah nous en préserve de cela. Qu'Allah nous en préserve. C'est pour ça, la détermination, c'est de prendre les précautions et les mesures adéquates avant de tomber dans le piège. Mais une fois dans le piège, c'est difficile de s'en sortir pour tout le monde. Illa man rahim Allah. Avant que tu tombes dans ça, apprends à vivre avec ce que Allah t'a donné. et ne vis pas au-dessus de tes moyens, et n'aie recours à la dette que quand c'est vraiment le dernier des recours, et t'as pas autre choix. Et dès que t'arrives à la rembourser, rembourse-la, même si c'est avant le délai. Car plus tu gardes l'argent, plus ça sera difficile pour toi de le sortir plus tard et de rembourser. Je ne sais même pas pourquoi j'ai parlé de ça, mais en tout cas, donc le Nabi alayhi salam a assiégé les forteresses de Khaybar, et quand, comme c'était prévu, quand les Banu Ghatafan ont entendu que Khaybar a été assiégé par les musulmans, ils sont sortis pour les secourir. Et sur le chemin, ils ont entendu comme si les musulmans sont arrivés les attaquer chez eux. Et ils sont sortis sans laisser de protection pour leurs femmes et pour leurs enfants. Et c'est pour ça qu'ils ont fait demi-tour, subhanallah. Si Allah il veut te donner la victoire, il te la donne avec des causes, yani, entre parenthèses, yani, minimes. Des causes, yani, qui n'ont pas grand poids. Allah il peut te donner une victoire avec très peu, quand Allah subhanahu wa ta'ala veut. C'est pour ça qu'il a repoussé Ghatafan de cette manière. Ils ont entendu comme si les musulmans les ont attaqués, et ils ont eu peur pour leur famille, ils ont fait demi-tour. Et comme ça, les musulmans étaient en tête à tête avec Khaybar. Et ils ont commencé les bastions de Khaybar, ils ont commencé à les assiéger et yani à les attaquer un par un. Et le premier des bastions qui a été conquis par les musulmans, c'est le bastion de Na'im. Le bastion de Na'im. Et c'était un bastion très fort parmi les bastions de Khaybar. Donc c'était un bastion très fort. Et sur ce bastion, Nabi alayhi sallam a envoyé Al-Hubab ibn al-Munzir, radiyallahu anhu. Et ce bastion, il appartenait à Sa'b ibn Mu'ad. Donc c'est le chef de ce clan. Quand on dit le bastion lui appartient, il vit pas seul dans ce bastion, mais c'est lui le chef de ce clan. Donc c'était un juif qui s'appelle As-Sa'b ibn Mu'ad. Et les musulmans, à leur tête, Al-Hubab ibn al-Munzir, radiyallahu anhu, ils ont montré un courage exceptionnel ce jour-là, et ils ont combattu pendant 3 jours jusqu'à l'ouverture de ce bastion et sa conquête. Et ils ont trouvé dedans beaucoup de nourriture et de biens. Et subhanallah, c'était une très très bonne chose pour les musulmans, parce que yani, vous imaginez que les juifs, dans leur bastion, ils avaient tout ce qu'il fallait, nourriture et tout. Et les musulmans, yani, ils ont le peu de provisions qu'ils ont ramené avec eux, et ça s'est terminé très rapidement. Et c'est pour ça qu'ils étaient dans un manque très grand de nourriture. Et quand ils ont conquis ce bastion, c'était une ni'ma pour les musulmans, ils ont pu prendre ce qu'il y avait comme nourriture dans ce bastion. Et de là, les musulmans se sont dirigés vers un autre bastion qui s'appelle le bastion de Zubayr, dans lequel se sont réunis les gens qui habitaient habituellement, mais également ceux qui ont fui le bastion de Na'im après sa conquête par les musulmans. Donc, tous les bastions qui ont été conquis par la suite, ils se sont orientés vers celui-là, et les musulmans, pour conquérir, yani, ce bastion, ils ont coupé l'arrivée de l'eau vers le bastion. Et comme ça, les Juifs étaient contraints de combattre et de sortir de leur forteresse. Et les musulmans les ont combattus pendant 3 jours également. Et de cette manière, ils ont obtenu le dernier de ces bastions. Le dernier de ces bastions. Et les musulmans ont rencontré pendant ces batailles, ils ont rencontré une très très forte résistance. Et parmi les bastions qui étaient les plus difficiles dans leur conquête, c'est le premier qu'on a vu. C'est le bastion de Na'im. Et dans la conquête de ce bastion est tombé martyr un compagnon qui s'appelle Mahmoud ibn Maslama, radiallahu anhu, al-Ansari. Il a été tué par Marhab, ce juif, yani le... un des chefs de ces bastions, et son bastion était le bastion le plus protégé et le plus fort, qui s'appelle Sulalim. C'est lui qui l'a tué, il l'a jeté par un moulin. Il avait un moulin dans la main, il lui a jeté sur le corps, il l'a frappé ainsi, il l'a tué. Radiallahu anhu. Et le bastion de Na'im, donc on a parlé du premier bastion, le bastion de Na'im a mis 10 jours pour qu'il soit conquis. C'est pour ça que c'était le plus difficile pour les musulmans. Et c'était le premier. Mais après sa conquête, les musulmans ont pu prendre ce qu'il y avait dedans et ça les a renforcés dans les batailles suivantes. Ça les a renforcés dans les batailles suivantes. Et avant qu'il soit conquis, ce bastion... La première tentative des musulmans a été dirigée par Abu Bakr Siddiq, radiallahu anhu. Mais les musulmans n'ont pas pu le conquérir ce jour-là. Et la deuxième a été faite par Umar ibn al-Khattab, radiallahu anhu. Et les musulmans n'ont pas pu le conquérir également. Jusqu'à ce que les musulmans se sont épuisés. Se sont épuisés et étaient esquintés. Très très fatigué. Il y en a, ils combattent des gens qui sont dans leur forteresse et dans leur bastion, ils ont tout ce qu'il faut et eux ils ont rien. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam leur a annoncé la bonne nouvelle quand il a vu qu'ils n'arrivaient pas et que c'était très difficile pour eux. Il leur a dit, demain ce bastion sera conquis. Demain. Et il sera ouvert et conquis par un homme qui aime Allah et son messager. Et qu'Allah et son messager l'aiment. Subhanallah, un témoignage de la part du prophète alayhi salatu wa salam pour cet homme par la cause duquel sera conquis ce bastion. C'est pour ça que cette nuit-là, quand les sahaba radiallahu anhum ont entendu cela, quand ils ont entendu que demain, la bannière sera donnée après avoir été donnée à Abu Bakr et à Umar radiallahu anhuma, il a dit demain la bannière sera donnée à un homme grâce à qui Allah va accorder la victoire. Et le bastion sera conquis finalement. C'est pour ça que les sahaba radiallahu anhum, ils ont tous passé cette nuit-là à se demander à qui ça allait être donné. Et tous, ils espéraient que ce soit eux. Et en ça, on voit le mérite des compagnons, radiallahu anhum. Comment ils se concurrencent dans le bien. Comment ils se concurrencent dans le bien. Tous, ils ont espéré que cette attestation du prophète, alayhi salam, et ce témoignage que celui à qui la bannière sera donnée, c'est un homme qui aime Allah et son messager, et Allah et son messager l'aiment, tous, ils espéraient que ce soit eux. C'est pour ça, à la matinée, ils se sont tous présentés. Ils ont essayé tous de venir le plus tôt possible. Et ils espéraient que ce soit eux à qui le Nabi sallallahu alayhi wa sallam allait le donner. Allait la donner la bannière ou allait le donner l'étendard. Et à ce moment-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, il est où Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit qu'il avait une conjonctivite, yani une inflammation au niveau des yeux, une inflammation aiguë au niveau des yeux, au point où, radiallahu anhu, il ne voyait pas sa route. Il était resté dans les tentes de l'armée, radiallahu anhu. Il a dit, il est où Ali ibn Abi Talib? Ils ont dit qu'il était souffrant de ses yeux, il avait une conjonctivite aiguë, radiallahu anhu. Et le Nabi sallam a envoyé Salam ibn al-Akwa' radiyallahu anhu. Vous rappelez qui est Salam ibn al-Akwa'? Ce grand coureur qui allait plus vite que le cheval radiyallahu anhu. Il l'a envoyé pour appeler Ali radiyallahu anhu. Et il est venu et c'est lui qui le guidait. Yani tellement Ali ne voyait pas bien sa route radiyallahu anhu. Et quand il est arrivé devant le prophète sallam, Nabi sallam a postillonné dans ses yeux et lui a fait dua et il a été complètement guéri comme s'il n'avait jamais souffert de ses yeux par le baraka du prophète alayhi salatu wassalam. Et il lui a donné l'étendard des muslimines ce jour-là et il lui a ordonné de se diriger vers Khaybar. Ali radiallahu anhu, au début il a dit au messager d'Allah, je vais vers eux et je les combats. Yani, je vais les combattre. Il a dit doucement, Ali. Doucement, ya Ali. D'abord, propose-leur l'islam. Propose-leur l'islam et appelle-les à l'islam. C'est pour ça, dans une version, Nabi sallam lui a recommandé de les appeler à l'islam, d'appeler les juifs à l'islam avant de les attaquer et de les combattre. Et il lui a dit par Allah, si Allah guide par toi un seul homme, ceci est meilleur pour toi que de posséder les chamelles rousses ou les chameaux roux. Et ça, c'était les meilleurs des chameaux chez les Arabes. Yani, le sens, si Allah guide par toi un seul homme et que tu sois la cause de la guider d'un seul homme, c'est meilleur pour toi que cette dunya et que les biens éphémères de cette dunya. Car si Allah est la cause de la guider d'un seul homme par ta cause, si Allah, si t'es la cause de la guider d'un seul homme, sache que tu auras toutes ses hasanat. Si t'as été la cause de sa guider vers l'islam, tu auras les mêmes hasanat que lui pendant toute sa vie. Si t'as été la cause de la guider pour lui vers une bonne action, tu auras la même récompense que lui dans cette bonne action, tant qu'il l'a fait. Et si jamais lui, il appelle quelqu'un d'autre, t'auras également les hasanats de l'autre aussi. Et ainsi de suite. Quand vous comprenez ça, vous n'êtes pas étonné de savoir que Abu Bakr, ses hasanats sont plus lourds dans la balance que les hasanats de toute la Ummah. Abu Bakr a appelé vers l'islam 6, et dont il est le 7e des 10 annoncés au paradis. Il a appelé également d'autres très grands compagnons, et ça on en avait déjà parlé. Radiallahu anhu. Les 10 annoncés au paradis, c'est les meilleurs des compagnons. Et lui, il a appelé 6 de ces 10. Et lui, il est le 7e. Et c'est pour ça que Nabi Isa al-Salam, comme il a été rapporté يعني par Ibn Abbas radiyallahu anhu et authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Sunan Ad-Darimi, Cheikh Al-Albani l'a cité dans Silsila Sahiha, Nabi Isa sallam a dit, Ali Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhu a dit, Nabi Isa sallam n'a jamais combattu des gens sans leur faire de da'wah. C'est pour ça on a bien expliqué quand on a parlé de Usfan que Nabi Isa sallam les a attaqués sans les avertir parce qu'il leur avait déjà fait la da'wa. Mais sinon Nabi Isa sallam il commençait toujours pour faire la da'wa, parce que le but c'est pas de combattre et de tuer les gens. Le but c'est de les sauver de l'éternité en enfer et de les ramener vers l'islam. C'est ça le but et l'objectif des muslimines. Mais si le combat, c'est le dernier des recours. C'est pour ça l'islam, c'est d'abord les appeler à l'islam. S'ils l'acceptent, alhamdoulilah, c'est la meilleure des choses. Et ils gardent leurs biens, ils gardent leur famille, ils gardent tout. Et s'ils refusent l'islam, alors ils doivent acquitter l'aumône obligatoire qui est le jizya, que donnent les gens, parmi les gens du livre et le majous également, qui restent sur leur religion et qui bénéficient de la protection des musulmans. Et ils restent sur leur religion dans les territoires, qui, même si c'est dirigé par le musulman. Et s'ils refusent les deux, c'est là où c'est le combat. Parce que c'est dans ce troisième cas, il n'y a pas le choix. L'islam doit parvenir à tout le monde. Et quand ils refusent, ils empêchent le musulman de faire la da'wah. Donc, le combat s'impose. C'est pour ça que le combat en islam, c'est le dernier des recours. Donc, le Nabi alayhi sallam a chargé Ali radiallahu anhu de cette mission et dans laquelle Ali radiallahu anhu a eu ce grand mérite. Il a eu ce grand mérite. Ali radiallahu anhu, c'est un homme qui aime Allah et son messager et dont Allah et son messager l'aiment également. Dans une version, Ali radiallahu anhu, il a dit, je les combats, pourquoi au messager d'Allah? Il a dit, tu les combats jusqu'à ce qu'ils atteignent, je les combats jusqu'à quand au messager d'Allah? Il lui a dit, tu les combats jusqu'à ce qu'ils attestent qu'il n'y a de divinité digne d'être adorée, excepté Allah et que Muhammad est le messager d'Allah. Et s'ils font cela, s'ils attestent l'attestation de foi, alors ils préserveront leur sang et leur bien, sauf avec le droit de la ilaha illallah, et leur jugement sera auprès d'Allah. Est-ce qu'ils étaient sincères dans leur islam ou pas? Ça, ça revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce n'est pas de notre ressort à nous, les muslimines. Nous, on juge les gens selon leur apparence. Il dit l'islam, on dit qu'il est musulman. Et pendant, quand Ali est sorti pour ce combat, c'est là où il est sorti l'héros de ce bastion qui s'appelle Marhab, qui était le chef également de cette bastion. Un homme qui était connu pour son grand courage. Il est sorti et il a, comme on a vu, c'est lui qui a jeté un moulin sur Amir ibn al-Aqwa, l'oncle de Salam ibn al-Aqwa, radiallahu anhu. C'est lui qui a jeté ce moulin, il l'a tué. Et ensuite, Ali radiallahu anhu l'a combattu. Il a combattu Marhab et il l'a tué. Et la mort de Marhab et sa défaite, c'était le début de la défaite dans cette bataille. Et Ali radiallahu anhu a combattu également dans cette bataille, d'une manière exceptionnelle, comme ça a été rapporté par Abu Rafi' radiallahu anhu. Il a dit que Ali, quand il est sorti, et quand il est sorti pour ce combat, dès qu'il s'est approché de ce bastion, il a commencé, après da'wa tout ça, il a commencé à combattre. Et un homme parmi les juifs, il l'a frappé, il a donné un coup tellement fort à Ali, radiallahu anhu, sur son turs. Un turs, c'est le bouclier que porte le combattant dans sa main pour repousser les coups d'épée et autres, pour se protéger. Donc ce juif, il a donné un coup tellement fort à Ali, radiallahu anhu, qu'il a fait tomber son bouclier de sa main. Et c'est là où Ali, radiallahu anhu, il a vu une porte qui était à côté du bastion, il l'a portée, il s'en est servi comme un bouclier. Et il n'a cessé de combattre en l'ayant dans sa main jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla a permis la victoire dans cette bataille. Et ensuite, il a jeté cette porte après qu'Allah Azza wa Jalla a donné la victoire aux muslimines. Abu Rafi' radiallahu anhu, un compagnon, il dit, quand Ali a jeté cette porte, je me suis mis, moi, et cet homme avec moi. et on voulait bouger cette porte, on n'a pas réussi à tourner la porte et à la bouger de sa place. À 8. Et même, c'est rapporté également dans une autre version, que quand ils ont tué les combattants des Juifs ce jour-là, ils ont voulu entrer à l'intérieur du bastion. Et ils ont voulu poser cette porte pour s'en servir, pour monter sur le bastion. Et ils étaient 70 hommes et n'ont pas réussi à le faire. Alors que Ali, radiallahu anhu, il l'a porté dans sa main, et il a combattu avec jusqu'à la victoire des muslimines contre les kuffars dans cette bataille. Et après la conquête de ce bastion qui était le plus difficile, le bastion de Na'im, ça a duré 10 jours jusqu'à ce que Allah Azza wa Jalla a permis cette victoire, avec comme chef Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu. Ensuite, ils se sont dirigés vers les autres et ils n'ont cessé de les conquérir l'un après l'autre. Le deuxième, c'était le bastion de Sa'b ibn Mu'ad. Et le chef des muslimines dans cette bataille, c'était le Hubab ibn al-Munzir radiallahu anhu. Et ça a été conquis au bout de 3 jours. Allah a accordé la victoire aux muslimines. Et c'est dans celui-là qu'ils ont trouvé beaucoup de nourriture. Et ensuite, ils se sont dirigés également vers le bastion de Zubayr et ils ont combattu. Après 3 jours, Allah Azza wa Jalla leur a donné la victoire également. Et ils n'ont cessé de conquérir les bastions de Khaybar jusqu'à ce qu'ils les ont conquis tous. Jusqu'à ce qu'ils les ont conquis tous. Et de cette manière, Khaybar, toute la ville de Khaybar, donc ça c'est la première partie des bastions. Juste une précision, la deuxième partie des bastions, qui était aussi très difficile, parmi lesquels il y avait le bastion de Sulalim, comme on a vu, le bastion le plus protégé, le plus fort de toute Khaybar. La durée de la conquête de ces autres bastions était de 14 jours. Et après, Allah Azza wa Jalla a permis une victoire totale sur les Juifs de Khaybar et il a permis la conquête de Khaybar de manière définitive, comme ça a été rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari, l'authentique de l'imam Muslim. Et ça a été conquis par force. Et ne se sont pas rendus d'eux-mêmes. Ça a été conquis par force. Et ont été tués parmi les Juifs dans cette bataille 93 hommes. Et les Muslimines ont pris en butin leurs femmes et leurs enfants. Et parmi les femmes, dans le butin, il y avait Safiya radiallahu anha. Safiya bint Huyay ibn Akhtab. Et c'était dans la part de Dihya al-Kalbi, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi sallam lui a acheté Safiya et il l'a affranchi, il l'a épousé, radiyallahu anhu. Rapporté dans les deux authentiques. Et le mariage avec Safiya, radiyallahu anhu, a été consommé sur la route de retour vers le Médina. Et sans tomber martyr parmi les muslimines ce jour-là, 20 muslims qui sont tombés martyrs. Parmi eux, comme on a vu, Abu Amir ibn al-Akwa, qui avait combattu Marhab. C'est le premier qui a combattu Marhab. Et il l'a fait tomber dans un premier temps. Abu Amir, radiyallahu anhu, a fait tomber Marhab. Donc, Amir ibn al-Akwa, c'est le neveu. Et Abu Amir, c'est lui l'oncle de Salama ibn al-Akwa, radiyallahu anhu. C'est le père de Amir que Marhab a tué avec ce moulin. Donc Abu Amir, radiyallahu anhu, quand Marhab est sorti pour le combat, c'est lui qui est sorti le premier pour le combattre. On a vu, il a tué son fils. Et Abu Amir, radiyallahu anhu, il avait une épée un peu courte. Il a fait tomber Marhab de son cheval, mais au moment où il voulait le tuer avec l'épée, il voulait lui donner un coup avec l'épée, son épée était un peu forte, elle est revenue sur son genou. Et il a pris un coup mortel. Et certains sahaba pensaient, et certains disaient, que Abu Amir s'est tué lui-même. Et qu'il a annulé ses actes ainsi. C'est comme s'il s'est suicidé et s'est tué lui-même. Ils ont pensé cela. Mais après, Allah Azzajal a révélé un verset au sujet de Abu Amir, que celui qui se fait tuer par erreur est excusé. Et c'est un des martyrs parmi les martyrs de la bataille de Khaybar, radiyallahu anhu. Subhanallah, et de ça, on prend que chez Sahaba, c'était très grave quelqu'un qui se tue et qui se donne la mort. Mais chez les savants, c'est pas un kafir, c'est un musulman. Mais le Nabi alayhi sallam n'a pas prié, ça a été rapporté de lui, qu'il n'a pas prié sur celui qui s'est tué lui-même. Mais il n'a pas interdit aux compagnons de prier sur lui. Ça démontre que c'est pas un kafir. Car si c'était un kafir, et que c'était un péché qui faisait sortir de l'islam, Nabi alayhi sallam n'aurait pas autorisé de prier sur lui. Mais comme il l'a autorisé, mais lui, il ne l'a pas fait, c'est pour montrer la gravité de l'acte. C'est pour montrer la gravité de l'acte et que c'est quelque chose qui est très grave. Mais ça peut arriver jusqu'à la mécréance. C'est Allah qui sait. Quelqu'un qui se donne la mort parce qu'il est en colère contre Allah, il renie Allah subhanahu wa ta'ala et la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça peut arriver jusqu'à la mécréance. Mais nous, on ne sait pas. L'anna, ça admet les deux, on reste dans ce qui est sûr, c'est l'islam qui est sûr. Et celui-là, c'était un musulman. Contrairement à Abu Amir, radiyallahu anhu, quand Salam ibn al-Akwa, il a entendu les gens dire que Abu Amir, habita amaluh, il a rendu caduc ses œuvres, il était très triste. Jusqu'à ce qu'Allah Azzajal a révélé ce verset dans lequel il a montré l'excuse de Abu Amir radiyallahu anhu et que c'est parmi, donc Abu Amir c'est parmi les martyrs de la bataille de Khaybar radiyallahu anhu. Et il est parmi les 20 qui ont été tués et qui ont eu le degré du martyr dans la bataille de Khaybar avec son fils Amir radiyallahu anhu. Et dans cette bataille il est rapporté que parmi ceux qui sont tombés martyrs dans cette bataille, parmi les musulmans, un berger noir qui travaillait pour un juif de Khaybar. Et quand il a vu l'armée des musulmans, il est sorti vers le Nabi alayhi sallam, il lui a demandé de lui montrer ce que c'est l'islam. Et le Nabi alayhi sallam lui a fait da'wah. Il est entré dans l'islam. Et il s'est approché de Nabi alayhi sallam avec son troupeau de moutons. Et il travaillait pour ce juif. Quand il a accepté l'islam, il est entré dans l'islam, il a demandé à Nabi alayhi sallam qu'est-ce qu'il doit faire maintenant avec ce troupeau de moutons. Le Nabi alayhi sallam lui a dit, mets-les en direction de ton employeur, et il a pris une poignée de terre, il a dit de la jeter sur eux, et ils vont repartir jusqu'à arriver à ton maître. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, il a respecté cet engagement avant l'islam. C'est ça le faïda pourquoi j'ai cité cette histoire. C'est que ce sahabi, radiyallahu anhu, ce berger noir, a respecté son engagement avec l'islam vis-à-vis de son employeur. Il n'a pas dit, savez, je suis devenu musulman, c'est un kafir, c'est un ennemi, je prends. Non, ça c'est un engagement qui était avant l'islam, qui devait être respecté. Et c'est ce qu'il a fait, c'est ce que le Nabi alayhi sallam lui a ordonné. Ça, c'est pour montrer le comportement de l'islam et le comportement du messager de l'islam. Alayhi sallatu wassalam. Et ensuite, cet homme, radiyallahu anhu, a participé dans la bataille avec les muslimines et il a été tué. Un homme l'a jeté avec une pierre parmi les ennemis et il l'a tué. Et il a été tué sans avoir prié une seule salat. Et quand ils l'ont ramené au prophète alayhi salam, alors qu'il l'avait enveloppé, Nabi alayhi salam, quand il l'a regardé, il a tourné son visage. Ils ont dit au messager d'Allah, pourquoi t'as tourné ton visage? Tu t'es détourné de lui. Il a dit, j'ai vu avec lui ses deux épouses parmi le Hour al-Ain. J'ai vu avec lui ses deux épouses parmi le Hour al-Ain. Subhanallah. Regardez, le mérite d'Allah Azzajal, il l'accorde à qui il veut. Cet homme, il est entré dans l'islam. Il a respecté ses engagements avant l'islam avec le kuffar. Et Allah lui a accordé le degré du martyr. Subhanallah. Qu'Allah nous accorde de ses bienfaits de ses ni'am. Comme je vous ai dit, tous ceux qui ont participé dans la bataille, dans le pacte de l'Hudaybiyah, ils ont participé dans la conquête de Khaybar, excepté Jabir ibn Abdullah, radiyallahu anhu. Et Nabi alayhi sallam, quand il a, après la victoire, et après qu'ils ont réuni et rassemblé les butins de cette bataille, il a partagé entre les musulmans. Il a partagé le butin entre les musulmans, et il a donné la moitié aux musulmans qui ont participé dans la bataille. Et parmi ceux à qui il a donné le Nabi alayhi sallam, ça je l'avais déjà mentionné quand on a parlé du retour de Abu Moussa al-Ash'ari du Yémen vers après la victoire de Khaybar et également le retour de Ja'far ibn Abi Talib radiyallahu anhu après son retour de l'Éthiopie. Il leur a donné également à eux. Et donc, c'est comme on a vu que Abu Moussa al-Ash'ari, après son islam à Mecca, il est reparti au Yémen, dans sa tribu. Il n'a cessé de faire da'wa jusqu'à l'année 7, après la victoire de Khaybar. Ils sont venus, ils étaient sortis du Yémen, ils ont pris un bateau. Ils étaient à peu près 70 et quelques. Et ils ont pris un bateau, et subhanallah, sur la route, le bateau a fait un détour. Ils se sont retrouvés en Éthiopie. Et c'est là où ils ont rencontré Ja'far ibn Abi Talib, radiyallahu anhu. Ja'far ibn Abi Talib, c'est Ja'far Tayyar. Ja'far Sadiq, c'est de la famille du prophète, alayhi sallam, c'est parmi les chouyours de l'imam Malik. Et c'est celui que Shia, il monte sur lui beaucoup. Ils rapportent beaucoup de choses, ils disent, nous a rapporté Ja'far, sans chaîne de transmission. Mais lui, c'est un savant parmi Al-Sunnah Al-Jama'a. Mais eux, c'est des menteurs. Donc, le groupe de Abu Moussa al-Ash'ari s'est joint au groupe de Ja'far ibn Abi Talib, qui était en Éthiopie toujours après l'émigration. Et ils sont tous venus, ils ont pris deux bateaux. Ja'far est venu avec à peu près 53 hommes et femmes. Et le Nabi alayhi sallam, il leur a donné du butin de Khaybar à tous. À chacun une part, comme s'il a participé dans la bataille. Il a demandé la permission aux musulmans avant. Car ça, c'est le droit de ceux, d'abord, qui ont participé. Mais ils ont accepté, ils étaient d'accord, et il leur a donné, radiyallahu anhum, tous. Il a donné également à Abu Huraira, qui était venu avec certains de sa tribu de Daous, musulmans. Il est entré dans l'islam, Abu Huraira, quelques jours après, avant la victoire de Khaybar. Et Nabi alayhi sallam a demandé aux musulmans la permission, il leur a donné à eux également, car ils étaient très très pauvres. Et ils sont arrivés à Médine après la conquête de, après la bataille de Khaybar et la victoire des musulmans. Et c'est rapporté également que Nabi alayhi sallam a donné à certaines femmes qui sont sortis avec Nabi alayhi sallam dans Khaybar, il leur a donné, du butin. Radiyallahu anhum. Kuffar Quraysh, depuis que les musulmans ont commencé cette bataille, ils n'ont cessé de se renseigner sur le résultat de la bataille. Car c'était une bataille importante pour eux. Et un homme qui s'appelle Al-Hajjaj ibn Ilab, Al-Sulami, un Mekwa, qui avait toujours ses biens à Mecca, il était de retour. Et ils lui ont demandé, est-ce que tu as entendu des choses par rapport à la bataille entre le muslimin et Khaybar? Il a dit oui. Khaybar, les juifs ont gagné la bataille, ils ont pris Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme prisonnier, et ils vont vous l'envoyer pour le tuer. Et ils se sont réjouis kuffar Quraysh quand ils ont entendu ça. Et lui, en fait, c'était une ruse pour prendre ses biens et rejoindre le muslimin à Al-Madinah. Car il était devenu musulman. Effectivement, il a pu prendre ses biens, il a fait le hijra, radiyallahu anhu. Il s'appelle Al-Hajjaj ibn Ilab. Et par la suite, Kuffar Quraysh ont su la victoire écrasante des musulmans. Et non pas seulement la victoire dans cette bataille. Car, subhanallah, après cette bataille, Allah Azza wa Jalla a jeté la peur dans les cœurs des ennemis des musulmans. Et comme on va voir, beaucoup parmi eux, d'eux-mêmes, de leur propre initiative, ils ont demandé, yani, à signer des trêves et des pactes avec les musulmans. Et c'est là où Kuffar Quraysh, ils étaient encore plus attristés. Ils étaient encore plus attristés. Quand Nabi Issa salam est sorti pour Khaybar, il a laissé comme responsable sur le Madina Numayla ibn Abdillah al-Layfi radiyallahu anhu. Et par rapport au début du calendrier, il y a une divergence. Est-ce que c'est Ya'la ibn Umayya au Yémen, qui était au Yémen, qui l'a commencé, qui l'a mis en place? Et ça, c'est rapporté dans le Musnad de l'imam Ahmad avec une chaîne de transmission authentique. Et ça a été rapporté également que c'est Umar radiallahu anhu qui a mis en place le calendrier de l'Hégire. Il l'a mis dans l'année 16 de l'Hijra. Il a commencé avec le mois de Muharram et non pas avec le mois de Rabi' al-Awwal, comme a dit Ibn Hazm rahimahullah. Et après la victoire des musulmans sur Khaybar, les juifs ont demandé aux musulmans, au lieu de les faire sortir de Khaybar et de prendre toutes ces terres très riches et dans lesquelles il y avait des champs d'agriculture très très riches également, ils leur ont dit, au lieu de prendre ces terres, et vous savez pas les travailler, et nous on a un savoir-faire, alors au lieu de nous sortir, laissez-nous à Medina, laissez-nous à Khaybar, et on vous donne la moitié de la récolte, et la moitié pour nous, contre notre travail. Et Nabi Issa salam a accepté d'eux cela, il les a laissés sur Khaybar, à condition de les sortir quand ils le souhaitent. C'est pas, il va les laisser, ils restent, et ils ont un droit. Ils ont pas de droit. C'est comme s'ils sont salariés, ils travaillent, ils prennent la moitié de la récolte, et l'autre moitié, elle est pour les musulmans. Et le Nabi Issa salam a accepté d'eux cette proposition. Il les a laissés sur les champs de Khaybar et il lui a envoyé chaque année la moitié de la récolte. Et l'autre moitié, il l'a gardée pour eux. Et subhanallah, il y a une histoire qui me vient en tête. Quand Nabi Issa salam il envoyait un sahabi dont j'ai oublié le nom pour prendre la part des musulmans dans Khaybar, il lui présentait les récoltes et il prenait la moitié pour lui, pour Nabi Issa salam et les musulmans, et l'autre moitié il leur laissait. Quand il faisait ça sur sahabi, les juifs de Khaybar ont essayé de lui donner un rishwa, de le corrompre pour qu'il leur laisse les meilleures choses ou là, qu'ils fassent un partage en leur faveur. Et il a refusé, radiallahu anhu, bien évidemment, et il leur a donné exactement ce qu'il méritait, et il a pris exactement la part des musulmans. Et quand ils ont vu ça, ils ont reconnu que c'est avec cette équité et cette justice, c'est sur ça que l'islam est basé et fondé sur l'adl. Et parmi ce qui est arrivé également de très très important pendant Yani Khaybar, c'est qu'une femme juive qui s'appelle Zaynab bint al-Harith, l'épouse de Salam ibn Mishkam, une des têtes des juifs de Khaybar, elle a préparé un festin et elle a invité le prophète alayhi salam alayhi et ses compagnons. Et elle leur a préparé une brebis. Yani une brebis grillée, qu'elle a grillée. Et avant de la préparer, elle a demandé quel est l'endroit que préfère le prophète alayhi salam alayhi de la brebis. Ils lui ont dit l'épaule. Et elle a mis du poison dans l'épaule. Et elle l'a présenté pour Nabi Issa al-Salam. Et Nabi Issa al-Salam, il a commencé à manger avec ses compagnons. Dès qu'il a pris un peu, il l'a mis dans la bouche. À peine il l'a mâché, la brebis a parlé au prophète Issa al-Salam. Et elle lui a dit, ne mange pas car je suis empoisonné. Et Nabi Issa al-Salam tout de suite a sorti ce morceau de viande qu'il avait dans la bouche et qu'il n'avait pas avalé encore. Mais il l'avait mâché. Et ensuite, il a appelé cette femme. Il lui a dit, est-ce que tu as mis du poison dans cette brebis? Elle a dit oui. Elle a reconnu. Il lui a dit, pourquoi tu l'as fait? Elle a dit, je me suis dit, si tu es un vrai prophète, ça va pas te faire du mal. Et si tu es un menteur, un imposteur, on sera débarrassé de toi. Et Nabi Issa al-Salam lui a pardonné. Regardez, elle a fait, elle a mis du poison. Elle a voulu le tuer. Et pour, malgré ça, Nabi Issa al-Salam lui a pardonné. Ça, c'est rapporté dans l'authentique de l'imam al-Bukhari. Il lui a pardonné. Mais un des compagnons qui était présent et qui ont mangé, qui s'appelle Bishr ibn al-Bara ibn Ma'rour. Al-Bara ibn Ma'rour, c'est un grand compagnon. Et son fils, Bishr, radiallahu anhuma, il a mangé. Il avait déjà mangé un peu et il est mort suite à ce qu'il a mangé de cette brebis. Et ensuite, Nabi alayhi sallam a rendu cette femme à la famille de Bishr, radiyallahu anhu, et c'est eux qui l'ont tué dans le cadre de l'Qasas. Donc, il s'est pas vengé pour lui-même, mais comme elle a tué un homme, elle a mérité d'être tuée. C'est pour cette raison qu'elle a été tuée et non pas pour ce qu'elle a fait pour Nabi Issa salam qui lui avait pardonné. Car il y a des hadiths qui sont rapportés dans lesquels Nabi Issa salam ne l'a pas tué. Il y a d'autres hadiths qui sont rapportés comme quoi il l'a tué. Et la compréhension des savants, comme la cite Al-Hafidh ibn Hajar dans le Fath, dans laquelle il n'y a pas de contradiction entre les textes, c'est celle-là. C'est qu'il lui a pardonné, comme ça a été mentionné dans un hadith, dans l'authentique de Al-Bukhari. Pour ce qu'elle lui a fait à lui, mais il peut pas pardonner le droit des autres. Il a donné la femme à la famille de Bishr, radiallahu anhu, et c'est eux qui l'ont tué. Ils lui ont appliqué la sentence, qui est le khasas. Et comme on a vu, Nabi Issa salam, après le retour de Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu, avec ses compagnons, qui étaient avec lui toujours dans le Hijra, en Éthiopie, Nabi Issa salam était très très heureux. Et il a demandé l'autorisation aux muslimines pour leur donner une part dans le butin de Khaybar, chose qu'ils ont acceptée. Et il a donné également yani, à ceux qui sont venus avec Abu Moussa al-Ash'ari. Abu Moussa al-Ash'ari est entré dans l'islam, il est reparti chez lui, il est resté plusieurs années, et ensuite il est venu avec un grand groupe parmi ceux qui l'ont suivi dans l'islam. Radiallahu anhu. Il leur a donné à eux également. Et Nabi Issa salam, il a été rapporté dans un hadith qui a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahimahullah dans Silsila Sahiha, il a dit, je ne sais pas avec laquelle des deux je suis le plus heureux. La conquête de Khaybar ou l'arrivée de Ja'far. Nabi Issa salam aimait beaucoup Ja'far. C'est l'homme qui ressemblait le plus au prophète Issa salam dans son visage et dans son physique, mais également dans son comportement. Radiallahu anhu. Et Ja'far, c'est parmi ceux qui seront tués dans la bataille de Mu'tia, radiallahu anhu. C'est là où il a été appelé Ja'far Tayyar, car il vole dans le paradis. Allah lui a donné deux ailes avec lesquelles il vole dans le paradis. Ja'far ibn Abi Talib, radiallahu anhu. Et la femme de Ja'far après la mort de Ja'far, radiallahu anhu, qui est Asma bint Umays, a épousé Abu Bakr al-Siddiq. Et après la mort de Abu Bakr al-Siddiq, elle a épousé Umar ibn al-Khattab. Et après la mort de Umar ibn al-Khattab, elle a épousé Ali ibn Abi Talib. Et après la mort de Ali ibn Abi Talib, je ne me rappelle pas le compagnon qu'elle a épousé jusqu'à sa mort, radiallahu anha. Et comme on a vu, et c'est avec ça que termine Al-Hafidh ibn Hajar, cette bataille de Khaybar, que parmi les muslimines ont été tués 20 hommes martyrs, et parmi les juifs 93 hommes. Dès qu'il y a eu la victoire de Khaybar, les juifs qui étaient dans la ville de Fadak, Fadak, c'est une ville qui se trouve entre le Medina, à distance de le Medina de 3 ou 2 jours. 2 jours de distance, à peu près entre 80 et 120 kilomètres de le Medina. Ces juifs-là, dès qu'ils ont entendu la victoire des musulmans sur les juifs de Khaybar, imaginez, Khaybar, c'est connu dans toute la péninsule arabique. C'est une forteresse et des bastions impénétrables, extrêmement puissants et forts. Et les gens sont très riches. Donc les armes et tout, comme on l'a vu. Quand ils ont vu que Khaybar ont été vaincus, Allah Azzawajal a jeté dans leur cœur la peur et la crainte des musulmans qui les attaquent eux aussi. Et les juifs de Fadak ont envoyé un message au prophète Aïssa-Salam dans lequel ils l'appelaient à un pacte et à une trêve contre la moitié des biens de Fadak. Il lui donne la moitié des biens de Fadak. Nabi Al-Sallam a accepté de cela, et c'était un butin qui a été accordé aux musulmans, sans guerre et sans bataille. C'est pour ça, c'était uniquement pour le prophète Al-Sallam. Comme Allah lui a donné ce droit, il le donne à qui il veut. Il le donne à qui il veut. Et bien évidemment, Nabi Al-Sallam, quand ces choses-là arrivent, il les partage, il les donne aux musulmans avant l'arrivée du lendemain. Alayhi salatu wassalam. Au point où souvent il ne gardait rien pour lui et pour sa famille. Donc, Nabi alayhi salam a placé les biens qui sont venus de Fadak de cette manière. Il ne les a pas répartis entre eux, ceux qui ont participé dans la bataille de Khaybar. Mais il a réparti ça comme, selon l'intérêt qu'il a vu, il les a donnés de cette manière. Et dès le retour fil Medina, dès son retour fil Medina, alayhi salatu wassalam, avec son armée, ils se sont dirigés vers un endroit qui s'appelle Wad al-Qira. Ils se sont dirigés vers un endroit qui s'appelle Wad al-Qira. Et dans Wad al-Qira, le Nabi alayhi salam et les musulmans ont assiégé le kuffar de cette région. Ils les ont appelés à l'islam, tout d'abord, chose qu'ils ont refusée. Et ils leur ont montré que si jamais ils deviennent musulmans, ils vont préserver leurs biens et leurs familles, et ils vont préserver leurs personnes également, et que leur jugement est auprès d'Allah. Mais ils ont refusé, et un homme est sorti pour combattre un duel. Et celui qui est sorti le combattre, c'est Zubayr radiallahu anhu. Un deuxième homme est sorti à sa rencontre, Ali ibn Abi Talib, il l'a tué. Un troisième homme est sorti à sa rencontre, Abu Dujana radiallahu anhu. les héros des musulmans, les noms que vous entendez, c'est les compagnons tous, dans le courage, dans le bravoure. C'est pour ça, à chaque fois qu'on cite Wahad, on pense que c'est le plus courageux des courageux. Mais ceux-là, c'est un statut très très particulier dans le courage et dans la bravoure. Zubair ibn al-Awwam et Ali ibn Abi Talib et Abu Dujana, Hirash ibn Samaka radiallahu anhu. Et ça a continué jusqu'à ce que les musulmans ont tué 11 hommes parmi ces kuffars de Wadi al-Qira. Et ensuite, la bataille s'est enclenchée entre les musulmans et les kuffars dans la soirée. Et la bataille a continué, le combat a continué jusqu'à la matinée. Et ça a été la victoire pour les musulmans. Et Wadi al-Qira a été conquis par force également. Et ensuite, Nabi alayhi salam est resté là-bas 3 jours. Il est resté 3 jours et il a réparti les butins de cette bataille entre les compagnons qui ont participé dans la bataille. Il a laissé yani, les terres et les palmiers qui étaient dans cet endroit, il les a laissés entre les mains des juifs de cette région, yani, comme avec les juifs de Khaybar, contre une partie de la récolte. C'est eux qui veillent sur ça, contre une partie de la récolte qu'ils envoient aux musulmans annuellement. Quand les juifs de Taïma également ont appris ces victoires des musulmans et ce qui est arrivé aux gens de Fadak et aux gens de Wadi al-Qira et à Khaybar, eux aussi ils ont envoyé un message au prophète dans lequel ils demandaient une trêve avec les musulmans et en acceptant de payer le jizya, l'aumône. Donc ils n'ont pas accepté l'islam, mais ils ont payé l'aumône, chose que Nabi Al-Sallam a accepté d'eux également. L'essentiel, c'est que da'wa parvienne à toute l'humanité, à tous les humains, et à tous les djinns également, et que rien ne s'oppose à la da'wa de l'islam, et que l'argument d'Allah soit fait contre tout le monde, et que le message de l'islam parvienne à tout le monde. Et donc Nabi alayhi salam a accepté ça des juifs de Taïma également, et ils sont restés dans leur terre. Et quand c'était l'époque de Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu, il a fait sortir tous les juifs de la péninsule arabique, les juifs de Khaybar, les juifs de Fadak également, mais il n'a pas fait sortir les juifs de Taïma et de Wadi al-Qira. Pourquoi? Parce que pour Umar radiallahu anhu, ça ne fait pas partie de l'Hijaz. Ça ne fait pas partie de l'Hijaz, mais ça fait partie plutôt de la terre de Cham. De la terre de Cham, parce que c'est très proche de Cham. Et ça ne fait pas partie de l'Hijaz. Et Nabi alayhi salam, quand il a ordonné de sortir toute autre religion de la péninsule arabique, il visait l'Hijaz. Hijaz, c'est toute la région qui englobe le Medina et Mecca. C'est à peu près, quand vous regardez la carte de l'Arabie Saoudite aujourd'hui, c'est la moitié gauche de la carte. La moitié gauche de la carte. Et l'autre moitié, c'est Najd. Et en dessous, c'est Tihama. On va finir avec un point. Et comme ça, on aura fini, bi'idnillah, tout ce qui concerne Khaybar et ce qui a suivi Khaybar. Il y a juste un point, comme faïda, que l'imam Ibn Kathir n'a pas cité, mais c'est une faïda, je vous la cite, rapportée dans les deux authentiques, qu'un compagnon qui s'appelle Mid'am, qui était un serviteur du prophète alayhi sallam, il servait le prophète alayhi sallam. Il a été touché par une flèche pendant qu'il descendait les affaires du prophète alayhi sallam, quand ils sont arrivés à Wadi al-Qira. Après leur départ de Khaybar et arrivé à Médine, on a vu qu'ils sont partis directement vers Wadi al-Qira. Dès qu'ils sont, quand ils sont arrivés à Wadi al-Qira, ce compagnon qui s'appelle Mid'am, radiallahu anhu, il était en train de faire descendre les affaires du prophète, alayhi sallam, de sa monture. Et il a été touché par une flèche des ennemis qui l'a tué. Quand les sahaba ont vu ça, yani, vous imaginez un homme qui sert le prophète alayhi salam et qui est à son service, et en plus il est tombé martyr et il est mort pendant qu'il rendait service au prophète alayhi salam, pendant son service. Ils ont dit hani allahu bil janna, yani bonne nouvelle pour lui, le paradis. Le Nabi alayhi salam a dit non, par celui qui tient mon âme dans sa main, car الشملة شملة يعني رداء, هي نوع رداء واسع, يعني c'est comme un manteau un peu large et ample qu'il a pris le jour de Khaybar avant le partage du butin. Il a dit par Allah, cette شملة qu'il a pris avant le partage, elle brûle son corps encore maintenant. Quand un homme a entendu cela, il est venu tout de suite avec deux souliers qu'il avait pris dans Khaybar avant le partage du butin. Il a dit au messager d'Allah, ça c'est quelque chose que j'ai pris. N'imaginez pas qu'il a volé. Il a pris, c'est-à-dire, par exemple, il a tué un kafir et le musulman il prend ce qu'il y a sur lui. Ou ils ont, quand ils récupèrent les butins, il a trouvé quelque chose, il l'a prise. Yani, c'est pas quand c'est rassemblé et yani, dans un endroit, il vient, il le vole. Wallahu a'lam. Donc cet homme, ce sahabi radiallahu anhu, quand il a entendu ça, ça lui a fait très peur, bien évidemment. Yani, le combattant, il n'a pas le droit de prendre quoi que ce soit jusqu'à ce que le butin soit partagé entre les combattants d'une manière équitable. Et même si tu trouves quelque chose, tu rentres dans les forteresses et tu récupères des choses, tu dois les ramener au prophète alayhi salallahu alayhi wa sallam et attendre le partage. Et ne pas les prendre pour toi parce que tu les as trouvés, c'est toi qui les as trouvés. Et il a ramené ses deux souliers. Quand le Nabi alayhi salam les a vus, il lui a dit deux souliers parmi les souliers de l'enfer, ou deux souliers en feu, rapporté également dans les deux authentiques. Et de ça on prend une faïda, c'est que le butin de la guerre ne devient autorisé qu'après le partage de l'imam. Une fois que l'imam fasse le partage, c'est là où ça devient autorisé. Voilà, mes frères et sœurs, aujourd'hui. Inch'Allah, demain, nous allons parler de Umrat al-Qadha. Umrat al-Qadha, et directement nous enchaînons avec la conquête de Mecca. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.